souviens plus de toi, de ton nom ni de ton visage, je ne me souviens plus de toi. Qu'est-ce qu'on s'était promis? Je me souviens plus de ça, je me souviens plus grand chose d'ailleurs. Bah, déception de la joie. Hey baby, baby, baby, oh. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Je comprends plus grand-chose aujourd'hui. Okay. Thank you.